L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 12. De la sanctification. Dieu nous a mis sur la terre pour gagner le séjour éternel. 39-74. La vie mondaine ressemble à la pluie que nous faisons tomber des nuages pour féconder les plantes. Elle brille un instant, mais tout d'un coup, desséchées, elles deviennent le jouet des vents, 18-43. Les richesses et les enfants font l'ornement de la vie, mais les vrais biens, ceux qui sont agréables à Dieu, et dont la récompense est certaine, sont les bonnes œuvres, 18-44. Celui qui soupire après les biens célestes jouira d'un bonheur infini. Celui qui demande les biens terrestres les recevra, mais il n'aura point de part à la vie future, 42-19. Les fleurs qui parent le sentier de la vie sont une épreuve. Les biens que Dieu promet sont plus précieux et plus durables, 20-131. Le prévaricateur qui aura préféré les plaisirs terrestres aura l'enfer pour réceptacle, 79-37-39. L'orgueil qui dédaignera de porter mon joug descendra dans l'enfer, couvert de mépris, 40-62. La fin des pécheurs sera épouvantable, l'enfer sera leur habitation. Ils y gémiront sur un lit de douleur, 38-53-54. Si Dieu surprenait l'homme dans son péché, il ne laisserait point de créature sur la terre. Il diffère ses châtiments jusqu'au terme marqué, que l'on ne saurait ni hâter ni retarder d'une heure, 16-69. Nous avons embelli l'habitation des hommes. Nous leur avons offert des jouissances pour les éprouver, et voir qui d'entre eux en ferait meilleur usage, 18-6. L'homme est enclin au mal. Ceux que le ciel favorise de ses grâces peuvent l'éviter, 12-33. Ô mortel, vous acquérez au prix de votre âme les jouissances terrestres, 10-24. Note. Ceux qui vivent sobrement, soit parmi les gens du désert, soit parmi ceux des villes, qui pratiquent le jeûne, qui se privent de tous les plaisirs du monde, ceux-là s'acquittent mieux du service divin. Ils s'y livrent avec plus de piété que les gens accoutumés au plaisir et à l'abondance. Que dis-je ? Il y a peu de gens religieux parmi ces derniers, à cause de l'insouciance et de l'endurcissement du cœur, qui sont une suite de l'abondance de la nourriture et des plaisirs matériels. Confère, Ibn Khaldoun, Introduction à l'étude de l'histoire. Ceux qui rompent le pacte du Seigneur, qui violent ses lois et s'abandonnent à la corruption, seront au nombre des réprouvés, 2-25. Dieu ne conduit point les pervers, leur récompense sera la malédiction de Dieu, des anges et des hommes. Ils en seront éternellement couverts, leur supplice ne s'adoucira point, et Dieu ne les regardera jamais, 3-79-81. Certainement ils descendront, environnés de leurs crimes, dans les flammes de l'enfer, 2-75. Dieu n'est point injuste envers les hommes, ils le sont envers eux-mêmes, 10-45. La nature mit dans le cœur de l'homme l'impatience, dans l'adversité, il devient timide, dans la prospérité, il est dur et avare, 70-20-22. Les maux qui vous assiègent sont le fruit de vos crimes, 42-29. Ceux que la grâce de Dieu éclaire seront les seuls unis. L'esprit de dissension divisera le reste des mortels. 11, 119. Gardez-vous de proférer un mensonge. Les menteurs ne prospéreront point. Après de courtes jouissances, ils seront livrés à des peines éternelles. 16, 117, 118. Mortels, craignez le Seigneur qui vous a tous créés d'un seul homme, dont il forma la femme, et qui a couvert la terre de leur postérité. 4, 1. Si la miséricorde divine ne veillait sur ses créatures, aucun de vous n'eût conservé son innocence. Dieu préserve du vice ses élus. 24, 21. Ceux dont les œuvres n'ont point la vertu pour objet resteront dans leur aveuglement. 23, 64. Ceux au contraire que la crainte de Dieu rend circonspecte, ceux qui croient à ses commandements, ceux qui ne lui donnent point d'égal, ceux qui font l'aumône et que la pensée du jugement tient dans la crainte, ceux-là, animés par un saint zèle, devancent les autres dans la voie du salut. 23, 58 à 62. Le fidèle qui aura réglé les désirs de son cœur habitera les jardins de délices. 79, 40. Celui qui souffrira avec patience, et qui pratiquera la vertu, recevra notre indulgence et une récompense glorieuse. 11, 13. Ceux qui persévèrent dans la prière, qui donnent la portion prescrite de leur bien à l'indigent qui sollicitait à celui que la entretient, ceux qui confessent la vérité du jugement, qui évitent avec soin de mériter le courroux du ciel, dont personne ne peut se croire à l'abri, ceux qui gardent la continence, qui n'ont de commerce qu'avec leurs femmes, ceux qui sont fidèles à leur serment et à leur traité, qui, dans leur témoignage, ne s'écartent jamais de la vérité, ceux qui accomplissent avec zèle la prière, seront tous environnés de gloire dans le jardin des délices. 70, 23 à 35. Le Tout-Puissant accomplira les désirs de ceux qui auront fait le bien. Il les lavera de leurs fautes, et leur accordera le paradis. 39, 35. Les fidèles des deux sexes qui ont la piété, la justice, la patience, l'humilité en partage, qui font l'aumône, qui observent le jeûne, qui, pénétrés du souvenir du Seigneur, vivent dans la chasteté, évitent toute parole déshonnête, chéris du ciel, recevront le prix glorieux de leur vertu. 33, 1 et 35. Le zèle du croyant ne sera point sans récompense. Nous écrivons ses bonnes œuvres. 21, 95. Je ne laisserai point périr les actions des hommes. Chacun recevra sa rétribution. 3, 191. Dieu est le patron des fidèles, il les conduira des ténèbres à la lumière. 2, 257. Le Seigneur sera leur guide, et la félicité leur partage. 2, 4. Celui qui était mort, et à qui nous avons donné la vie pour se conduire parmi les hommes, sera-t-il semblable à celui qui est plongé dans l'ignorance d'où il ne sortira point? 6, 122. Sois docile aux inspirations divines, et attends le jugement de ton Dieu. Il est le plus agréable des juges. 10, 1 à 6. Offre-lui une religion sincère. 39, 2. Les justes seront comblés de nos faveurs. 2, 55. Chacun prend ses désirs pour loi, mais Dieu c'est celui qui marche dans le sentier du salut. 17, 86. Suivez la lumière ou les ténèbres, c'est pour vous que vous travaillez. Vous ne porterez point le fardeau d'autrui. 17, 16. Note. Ce texte et une foule d'autres non moins saillants prouvent que les musulmans reconnaissent comme nous le libre arbitre dans l'homme. Un fatwa du grand mufti fut donné sur cette matière, il y a quelques années. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en le transcrivant ici. Demande. Si un musulman nie l'existence du libre arbitre dans l'homme, en donnant Dieu, le Créateur lui-même, pour l'auteur de toutes les actions de la créature, à quoi la loi sacrée le condamne-t-elle ? Réponse. À renouveler sa profession de foi et la cérémonie de son mariage, et s'il ne revient pas de son erreur, s'il y persiste, il est digne de mort. Confère, tableau de l'Empire ottoman. Quiconque est soumis à la voix de Dieu, quiconque nourrit dans son cœur la crainte et la piété, sera sauvé. 24-51. Celui que Dieu conduit marche dans le vrai chemin. 17-99. Le Très-Haut gouverne ses serviteurs. 6, 18. Il fait grâce à qui il lui plaît, et punit qui il veut, parce que rien ne borne sa puissance. 2, 283. Il montre ses prodiges aux hommes, afin qu'ils gardent ses souvenirs. 2, 220. Ô mortels, Dieu a envoyé la lumière et la miséricorde pour les fidèles. Don précieux de sa libéralité et de sa clémence. Que leur possession vous comble de joie. Combien est-elle préférable aux richesses du monde ? 10, 58. Les croyants qui pratiquent la vertu sont ceux que le ciel a créés de plus parfait. Leur récompense est dans les mains de Dieu. Il mit en eux ses complaisances. Ils placèrent en lui leur amour. La félicité sera le partage de ceux qui le craignent. 98, 6 à 8. La pensée de Dieu fera régner la paix dans l'âme des croyants. Son souvenir n'est-il pas la paix des cœurs? 13, 28. Ayez sa crainte toujours présente. Sachez que vous retournerez à lui. 2, 198. Désirez les grâces du ciel, cherchez à plaire au Tout-Puissant, efforcez-vous de mériter l'indulgence divine et le paradis. 58, 20, 21. Heureux ceux qui, au sein du malheur, s'écrient, nous sommes les enfants de Dieu, nous retournerons à lui. Ceux-là recevront les bénédictions du Seigneur. Pour eux, il fera éclater sa miséricorde. Il les guidera dans le sentier du salut. 2, 151-152. Celui qui a livré son cœur à l'islamisme et à la vertu a saisi une colonne inébranlable. Il est appuyé sur Dieu, le terme de toutes choses. 31, 21. Celui qui s'attache fortement au Seigneur marche dans le droit chemin. Ô croyants, ayez de Dieu une juste crainte, et vous mourrez fidèles. 3, 95, 96. Oui, craignez-le, et vous serez heureux. 3, 124. Dieu fortifiera les fidèles qui professent la vraie religion. Leurs bonnes œuvres auront un mérite permanent à ses yeux, et seront magnifiquement récompensées. 19, 78, 79. Dieu dirigera dans leur foi les croyants vertueux. 10, 9. Il est avec ceux qui le craignent et qui sont charitables. 16, 128. La réprobation ne sera pas le partage des bienfaisants. 2, 272. Nous n'exigerons de chacun que ce qu'il peut. 7:40. Chacun aura en sa faveur ses bonnes œuvres, et contre lui le mal qu'il aura fait. 2:285. Travail suivant tes forces. 6:135. Nous accorderons nos grâces aux uns et aux autres. Elles ne seront refusées à personne. 17:21. Dieu ne retire ses grâces que quand l'homme est perverti. 13:2. Ceux qui évitent l'iniquité, et qui ne commettent que les fautes inévitables à la nature humaine, éprouveront combien la miséricorde divine est étendue. 53:32. Markem Danarchivorg 2021 d'après Gallica BNFFR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.